La place Stanislas est une place appartenant à un ensemble urbain classique situé à Nancy, dans la région historique de la Lorraine, en France, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Voulue par le duc de Lorraine Stanislas Levinsky, elle est construite entre 1751 et 1755 sous la direction de l'architecte Manuel Herret. Son nom et sa statue centrale évolue au gré des bouleversements de l'histoire de France. Elle porte son nom actuel depuis 1831. Le guide Lonely Planet élit la place Stanislas quatrième plus belle place du monde. Voilà.